chanter. Fini les romances, rien que du silence. Hola la musique, amb Rafael Corbí. Amics i amigues, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Hola la Music, el vostre programa de música en francès, que us porta, que us presenta, que us dirigeix Rafael Corbí. Avui a l'edició número 85 del nostre espai, posant gairebé punt i final amb una nova temporada amb els nostres programes que ens han portat artistes com aquesta que avui ens tornarà a acompanyar. A l'Elise Jardé, cantant nascuda el 1984 a Ajaccio, ja l'hem escoltat diverses vegades. Avui, però, des del 2003. J'ai la peau douce dans mon bas de mousse, je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge dans mon bas de mousse, je l'emmitoufle, je lui dis. J'ai pas de problème, je fais néant. Pas de malaise, je fais néant. Dans l'eau je baigne, c'est l'important. Bien à mon aise, dans l'air du temps. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je bue la l'ombre des bombes. Tout est délicieux. Des choses qui m'indisposent. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à deux à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans quatre bars. J'en ai marre de la grande sœur, qui gémit tout et qui pleure. Marre de la pluie des courgettes, qui font vomir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques et dans les frais les codes chics. J'en ai marre d'en avoir marre. Oh si, j'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Pas de secousse, c'est cynique. Je me prélasse ici et me délasse. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à deux à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles.

un disc que va ser número 1 al Japó i número 2 a França, entre altres èxits un número 9 a Bèlgica, com hem dit, 200.000 còpies venudes en el seu moment d'aquest àlbum, lluny del milió de còpies que va arribar a tenir del seu àlbum de debut. Tot i això, un àlbum molt interessant que avui recordem a través de Polydor Records, editat en format de CD en el seu moment, de compacte, llançat el 18 de març de 2003, el segon àlbum d'aquesta intèrpret, que ja us ho hem recordat abans, una bellesa increïble, la Alizé Lionette, nascuda el 21 d'agost de 1984, joveníssima i molt talentosa artista. El tercer dels senzills va ser una cançó que no va tenir tant d'èxit com la primera i tampoc com la segona. Un número 20 a les llistes franceses va ser una cançó anomenada A Contracorrent. Aussi la menace du temps qui se Avui escoltarem veus femenines per començar el nostre programa. La veu femenina ens la portarà a continuació també una molt jove vocalista, nascuda el 21 de juny de 1985 a París, a França, de mare marroquina i de pare argelí. Va sortir a la fama amb el concurs de televisió Novel Star, en la segona edició versió francesa d'American Idol. Va arribar a la final, però no va guanyar. Però el seu àlbum, Un Jour de Tête, del 2004, va arribar a vendre més de 600.000 còpies únicament a França, amb aquella cançó destacada, Ma Philosophie, d'aquest disc que va arribar a estar més de 6 setmanes a la llista francesa de números 1. Avui escoltarem a Mel Veng, aquesta artista, amb el seu àlbum de 2014, anomenat Instinct, un àlbum que ens aportarà també la seva música i les seves cançons. Amb un tema, precisament, que es trobava amb aquest àlbum i que pertanyia a la seva discografia al costat de Nio, Quan je danse, quan jo ballo. Avec toi je m'envole, je quitte la terre. Je n'ai plus peur de prendre la lumière. Tu poses un regard sur moi, je me révèle. Je pourrais défier le monde si c'est toi qui m'appelle. Et si je tombe, je sais que tu pardonneras tous mes faux pas. Même à bout de bras, c'est toi qui me relève. Hem escoltat aquesta cançó, doncs, perquè la recordo perfectament i és una cançó que m'encantava d'aquest disc, quan jo ballo amb Nio en la companyia. No va ser un senzill d'aquest disc, tampoc sé per què, però no sóc ningú jo per dir quan ho han de ser o quan no. Van ser cinc altres les cançons seleccionades d'aquest àlbum per formar part com a senzill. Quan la música és bona, així es titulava, va ser el de més èxit a les llistes franceses, va ser un número 40 en format de senzill i és la següent cançó que escoltem en aquest cas amb la col·laboració de Soprano. J'ai trop saigné sur des Gibson. J'ai trop l'amour. J'ai pas le temps. J'ai plus d'humour. J'ai plus d'où vient le vent. J'ai plus qu'un clou, une étincelle. Des trucs en plomb qui me brisent les ailes. Un peu de swing, un peu du king. Pas mal de feeling et de décibels. C'est pas l'usine, c'est pas la mine. Mais ça suffit pour se faire la belle. Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne, quand la musique est sonne, sonne, sonne, sonne, les notes qui je pose. Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne, quand la musique est sonne, sonne, sonne, sonne, les notes qui je pose. Sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne. Marxa les cançons d'aquesta noia. Avui estem bastant moderns i bastant joves amb les seves interpretacions. My Chance, la tercera i darrera cançó que escoltem, càrrec de Mel Vang, aquesta extraordinària intèrpret. Moi je n'étais rien que celle qu'on abandonne. Comme toi, je n'ai pas eu d'enfant. C'était qu'un peu de rêve en somme. Comme toi, j'attendais ma chance. Je me disais, si je chante l'espoir, qui voudra m'écouter? Je me disais, il n'y a pas de place pour moi, ici tout est sombre. Mais chaque soir, dans le noir, en implorant le ciel, j'ai prié. Je veux t'entendre. Haurem de canviar de registre a partir d'aquests moments també amb el nostre programa. Ara ho farem, però amb la companyia de l'Àngel Rodríguez, que una setmana més, a la meitat del nostre programa, ens porta la seva col·laboració habitual. Benvingut, Àngel. Hola, amics. Avui us proposo escoltar Lenny Escudero, nascut al poble d'Espinal, a Navarra, l'any 1932. El nom real de Lenny Escudero és el de Joaquim Lenny Escudero. L'any 1939, arran de la Guerra Civil, va exiliar-se a París. Una curiositat, durant la dècada de 1960 va viure durant uns anys a Perpinyà. L'any 1962 triomfaria amb aquesta peça, Balada a Sylvie. Sylvie, j'ai perdu mon âme en perdant ma mie. À quelle me revienne, j'oublierai le temps de mes peines et tous mes tourments. Moi, je te pardonne, et si tu voulais, un jour de l'automne, tu me reviendrais. J'ai perdu mon âme quand j'ai perdu son amour. Et moi, pauvre diable, je l'aime toujours. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant ma mie. Par un soir d'automne, elle est arrivée. Elle m'a dit pardonne et j'ai pardonné. Mais malgré moi-même, tout au fond de moi était née la haine qui dictait sa loi. Et devant ma porte, son regard caressant le mien, là mon âme est morte dans le creux de ma main. Gràcies per la col·laboració, Àngel. De la música d'en Lenny Escudero passarem a altres protagonistes prou interessants dins el nostre espai. És el moment de recordar-ne un sota el nom de Manuel Tuñí, que ens porta i ens recorda les seves cançons. À l'ombre de nous restera toujours le nom de l'amour, un goût. De nous, combien de soleil brûlant notre ciel. De nous, nous pouvons. fleurir un jour sa vie. Rien d'autre que beauté, même en pensant au pire, une ombre va rester. Cette ombre de nous, les mille soleils. Escriptor i músic, així l'escoltem nosaltres a través del nostre programa i amb col·laboracions en diverses, com amb la seva banda Molly Pop, o també a través de Emmanuel Tunyan, The Lady Wives Swing Band, que ens portava també gent com Yves Simon, Safo, John Greaves, Mireille Perrier o Andrea Ferrol, que els escoltem amb la seva veu. Un personatge interessantíssim, com hem dit, escriptor, músic francès, nascut el 23 de setembre de 1968 a Rennes i que de molts anys ens ha portat les seves cançons, la seva música, aquest autor, compositor, intèrpret que va fundar aquest grup Molly Pop, on va editar els seus primers àlbums, i fins al 2009 no va publicar el seu primer àlbum en solitari, en la col·laboració de diversos artistes polonesos, galesos, francesos i d'altres llocs d'arreu del món. Avui el recordem amb peces com aquesta que acabem d'escoltar, i també en dues més, L'amor d'una dona i Dance the Temps, que escoltarem també a continuació, Emmanuel Tunyi. Il y a les avions qui s'en vont. Il y a les grands fonds. Pour qu'un peu d'immensité vue berce la vie nue. Il y a les grands animaux doux. Il y a les longs coups. Pour que change l'échelle en tout de la vie qui court. Manque l'ampleur et manque l'envergure. Ou le baiser qui dure. Souvent manque le souffle et la lame. Ou l'amour d'une femme. Souvent manque le souffle et la lame ou l'amour d'une femme. Il y a les amours à périr. Il y a le revoir à la nuque dans une gare pour que ça respire. Il y a le front toujours dans l'art de l'aimer qui dort. ce matin de pluie, où j'aurais vécu. Manque l'ampleur et manque l'envergure, ou le baiser qui dure. Souvent manque le souffle et la lame, ou l'amour d'une femme. Souvent manque le souffle et la lame, ou l'amour d'une femme. Manque l'ampleur et manque l'envergure, ou le baiser qui dure. Souvent manque le souffle et la lame, ou l'amour d'une femme. Souvent manque le souffle et la lame, ou l'amour. Le pied est engagé dans les deux. Du regard fauve à ses côtés. On ne peut pas toujours s'engager. Des fois le rêve a voyagé dans les bleus. Du regard qu'on a retrouvé. Dans le temps, celui qui va toujours devant. Cependant, cependant, qu'on les laisse aller gentiment, qu'on les laisse aller s'embrassant. Dans le temps, pas toujours voyager. Des fois la course a rien donné. C'est l'été. Son prénom c'est l'éternité. On ne peut pas toujours tout donner. Des fois il y a du trésor serré au grenier, au plafond de l'humanité. Dans le temps, celui qui va toujours devant. Cependant, cependant, qu'on le laisse aller gentiment, qu'on le laisse aller s'embrassant. Dans le temps, celui qui va toujours devant. Cependant, cependant, qu'on le laisse aller gentiment, qu'on le laisse aller s'embrassant. Dans le temps. Bé, seguim endavant a Hola la Musique, amb Rafael Corbí i aquest espai de música en francès, després dels nostres protagonistes. Què tal si acabem ja amb un àlbum que hem estat escoltant durant diverses setmanes? Concretament, un disc que ens portava cançons de Disney, cantades en francès. N'havíem escoltat diverses. Avui escoltarem les tres darreres, ja d'aquest àlbum, que ja el donem també per finiquitat a través del nostre espai. Brunyols, on va néixer el 1990, molt jovenet també, Jean-Baptiste Monnier ens porta una d'aquestes cançons, també Olimp, i després Anaï Delva, amb la companyia de la Milou Homs. L'écho de leur joie monte à l'infini et leur voix chante en moi. Tu es né pour cette vie. Je prends le chemin de mon rêve d'enfance vers des lendemains au glorieux destin. Parmi les étoiles, je cherche idéal. Ce monde auquel j'appartiens, qui est encore bien loin. Tous les gestes qu'elle fait me font des frissons. sont dans le corps. Pourquoi je sens ce besoin d'être toujours près d'elle. Toutes ces émotions nouvelles d'un monde nouveau, loin, très loin d'ici. Au-delà des arbres et des nuages, je vois devant moi un autre horizon. Je veux savoir, montre-les-moi, ces étrangers qui seraient faits comme moi. Apprends-moi, montre-les-moi, ces inconnus qui seraient pareils à moi. Viens voir ce monde qui est le mien. Il est plus beau que dans tes rêves. Ressens-tu ce que mon cœur ressent pour toi? Prends ma main vers ce monde que je veux voir. Dans ces longs couloirs, il n'y avait pas de bal le soir. Enfin nous entrons dans l'air du temps. Les invités seront bien vivants, et tant pis si cela dérange. Mais moi j'avais tellement hâte que ça change. Et je vais fêter ce renouveau dans ma robe de. Surexcités, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Je vais fêter ce renouveau. Je ne serai plus seule. J'ai hâte d'accueillir tous les invités. Et si je rencontrais l'homme de ma vie? Ce soir, je serai la plus belle, dans une tenue des plus formelles. Une jeune fille raffinée et pleine de grâce. Il va apparaître tout. Ce bel inconnu qui saura tout. Le chocolat m'aidera à faire face. Puis nous parlerons toute la soirée. Et je me sentirai bizarre. Car changer de vie c'est tout un art. Je vais fêter ce renouveau dans la magie. De rêver de romance, mais je vais fêter ce renouveau. Je tenterai ma chance. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Ce rêve. Sans peine, tu régneras. Un seul faux pas et tout le monde saura. Mais ce n'est qu'une seule journée. Ce n'est qu'une seule journée. La pression est si forte. La pression est si forte. Dites aux gardes qu'il faut ouvrir les portes. Yeah.